vert noir comme les hématomes de ce garçon. Triste héritage de l'éducation, un père trop penché sur le goulot. Putain de poivreau, si on se croise, j'achèverai ton sale boulot. Ce morceau, sur mesure comme ton costume, à titre posthume, tu l'entendras jusque 6 pieds sous le bitume. Faut pas que t'espères, mon univers est sans repère. Depuis que je suis ton fils, c'est rempli ton rôle de père. Au final, je sais pas trop qui je suis, mes victoires sont toujours absentes, et les échecs, je les essuie. Quand tu grandis, qu'on te dit que tu vaux rien, forcément tu finis par devenir un petit vaurien. Et y'a pas trop de crevards dans mon entourage, mais je t'avoue qu'y discerner quelques jaloux me soulage. Avec 47 on tourne la page et écrit une nouvelle pour s'incruster chez les professionnels. C'est tout un bordel, mais je lâcherai pas l'affaire, la mâchoire serrée comme un pitbull. Finalement dans cet univers des vrais y'en a pas foule. Les études m'ont raté, je passe mes nuits à programmer ma vengeance sur 16 pistes. Mon disque dur est saturé, saturé de percer. Ce putain de marché, au lieu de marcher jusqu'à la mission locale pour se faire bercer. C'est une histoire de famille, je te l'ai déjà dit, mais là je crois que la nôtre, elle est maudite, c'était écrit. J'ai pas de quelle main, sinon je la briserai. Écrire moi-même mon destin, c'est tout ce que je voudrais. Mon univers sombre et vide comme un trou noir. Ton regard devient livide, se vide de tout espoir. Mon monde immonde, froid comme un cri d'outre-tombe. Ma colère gronde, annonce hécatombe. Mon univers sombre et vide comme un trou noir. Ton regard devient livide, se vide de tout espoir. Mon monde immonde, froid comme un cri d'outre-tombe. J'ai pas choisi de vivre ce putain de merdier. La galère au quotidien, faut se démerder pour que des porcs friqués continuent à s'engraisser. Hold up sur les fonds, y'en a qui ont trop abusé. Et toi quand t'as besoin, on te dit d'aller crever. Je crois qu'il y a un sérieux malaise. On finira tous par s'entretuer pour du pèse, n'en déplaise à quiconque qu'on se dise. Ici tu maîtrises rien, rien d'autre à faire, car t'es dans mon univers. C'est qu'il a rien de reluisant ou séduisant, mais survie à cet environnement et tu deviendras puissant. Avec un gouvernement qui met ta carrière en stand-by d'entrée, les patrons finiront par se faire éventrer. Je prends pas la violence et si on me chope je plaide la folie. Voir sa famille sombrer c'est pas du joli. Après on ne comprend pas que t'en veuilles au monde entier. Ce type et son type de vécu, on le prend pour un taré. Votre univers il me fait chier avec ses strass et paillettes, les chaînes en or et coupes au gel de tapette. Mec faut que t'arrêtes, parler ton zboule dans tes clips. Ça sent le manque d'entraînement pour ce qui est de la manip. Tout le monde s'en fout, c'est la crise, y'a tout qui va mal. Et puis ton petit truc remplirait même pas un casse-dalle. Ça s'emballe et ça décrit un universal. Les glocks, le jour d'après t'as les yeux gonflés comme des cloques. T'as plus de quoi te fringuer, toujours à porter les mêmes locks. Et tu constates que ça se généralise en bas ton bloc. Les blocs cellophanés, leur prix s'est enflammé. Ça paye plus désormais rien d'autre que ce que tu vas fumer. J'aimerais quitter cet univers, au bout du tunnel la lumière. Pour les miens et moi-même une vie meilleure. Mon univers sombre et vide comme un trou noir. Ton regard devient livide, se vide de tout espoir. Mon monde immonde, froid comme un cri d'outre-tombe. Ma colère gronde, annonce hécatombe. Mon univers sombre et vide comme un trou noir. Ton regard devient livide, se vide de tout espoir. Mon monde immonde, froid comme un cri d'outre-tombe. Mon univers sombre et vide comme un trou noir. Mon monde immonde, froid comme un cri d'outre-tombe. Mon univers sombre et vide comme un trou noir. Ton regard devient livide, se vide de tout espoir. Mon monde immonde, froid comme un cri d'outre-tombe.